Bonjour à toutes et à tous. Je commence par demander pardon pour le retard. En fait, dans ma tête, c'était que comme il y avait le repas, bon, on permettait aux dames de prendre tout leur temps. Mais la semaine dernière, personne n'a dit quelque chose. Donc, je crois que Lassana a eu raison sur moi. Il n'y a pas de problème. Donc, nous pensions que le culte commençait à 10h. Donc, on a pris tout notre temps pendant que le culte commençait à 9h. Bon, ok, nous sommes là. Je voudrais, avant de partager quelque chose sur vraiment cette ère nouvelle qui est la résurrection de notre Seigneur, demander que nous prions pour deux collègues et leurs familles. Le premier, c'est le pasteur de l'église centrale des AD. La semaine dernière, il a perdu son fils aux États-Unis et ils sont en train d'attendre que le corps vienne, je pense que c'est demain, et pour qu'il y ait l'enterrement. Et hier aussi, Moumouni et son épouse ont été à Tinkologo. Le pasteur qui était avec eux lorsqu'ils étaient à Bagré a eu un accident et il est décédé. Donc c'est hier qu'il y a eu l'enterrement. C'est vrai, nous avons une fête, mais je voudrais que nous pensions à ces familles qui sont dans le deuil et même à ces communautés aussi. Je m'imagine un peu comment cela a été brusque pour le pasteur de Bagré. Je crois que c'est un accident. Il est rentré dans un camion stationné et c'était fini. Je voudrais que vous teniez debout. On va prier pour ces familles. Ils ont besoin de consolation, du soutien de notre Seigneur lui-même. Et par la prière, Dieu peut toucher leur cœur avec un baume spécial dans ces moments difficiles. Ensemble, prions. Père, nous voulons te dire merci. Te bénissons pour cette grâce. C'est à nous que tu donnes cette grâce de pouvoir passer du temps ensemble devant toi en cette journée. Mais nous voulons penser à ces familles endeuillées. Oui, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Tu es le vrai Dieu. Et nous voulons que toi qui consoles, que de façon spéciale tu puisses consoler les cœurs dans ces familles. Père de grâce, Père d'amour, si toi tu ne consoles pas, qui peut le faire? Agis maintenant, donne-leur cette assurance que Seigneur, tu es avec eux pendant ces moments difficiles. Sois béni Père, sois loué Père, sois exalté, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez vous asseoir. C'est une grâce. Je crois qu'en écoutant les différents chants, les différentes interventions, et surtout pour ces enfants, je crois que celui qui aurait entendu leur verset, il peut dire qu'il est satisfait. N'est-ce pas? Ce verset dit avec des voix vraiment merveilleuses. Et la parole de Dieu dit de les enseigner et les voies du Seigneur afin lorsqu'ils grandiront qu'eux aussi puissent le suivre. Et c'est un devoir pour nous parents de le faire. Peut-être ceux qui n'ont pas d'enfants diront que pour le moment ils ne sont pas concernés, mais je vous ai dit, on n'attend pas d'en avoir avant de commencer à prier. On prie longtemps avant, n'est-ce pas? C'est pas vrai, René? C'est pas vrai? On prie longtemps à l'avance. Et puis, avec le temps, lorsque ces enfants viendront, vous serez plus à l'aise. Donc, priez beaucoup pour ces enfants, priez pour les moniteurs, priez pour que Dieu soutienne, parce que ce n'est pas facile. Vous avez vu la maman Nancy, elle s'est levée, elle a chanté, elle a fait les gestes là. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens peuvent faire ça. Ou bien, je peux citer des gens qui ne peuvent pas faire ça. Bon, je me tais. Mais je sais que tout le monde ne peut pas faire comme elle a fait. Et avec ces gens, quand on est avec eux, il faut effectivement se comporter comme eux. Souvent même se coucher à terre pour qu'ils t'écoutent. Qu'ils sentent que oui. Parce que vous ne pouvez pas les enseigner comme des grandes personnes. Aux grands, on dit silence. À eux, le silence ne marche pas. J'ai un collègue, beaucoup d'entre vous le connaissent, Philibert. Il a ouvert une garderie. Et dès les premiers jours, il a dit à sa femme, écoute, on va arrêter. Parce que trop, c'est trop. Tu règles un problème ici, des gens se battent de l'autre côté, tu finis, de l'autre côté, ça se bat. Il a dit, c'est bon, je crois qu'on va fermer. Et sa femme dit, non, on ne peut pas fermer. Il te faut de la patience. Il a dit, mais ou bien on remet ces violents-là à leurs parents. Il dit, non. Tu dois tout faire pour que ces violents deviennent calmes. Donc, allons-y ensemble. Ça, c'était au début. Et quand je l'ai vu avant-hier, il m'a dit, il faut remercier Dieu. Je suis sorti avec ces gens-là et nous avons fait le tour des personnalités importantes du quartier. Et nous sommes allés les saluer. Et ils étaient habillés en, comment ils appellent ça, journée traditionnelle. Là. Il dit, mais il fallait voir comment ces demoiselles-là marchaient et que le chef de village était lui-même assez impressionné. J'ai dit, voilà, ça fait quelques mois d'efforts et on se rend compte qu'on peut. Ce n'est pas simple. Priez pour ceux qui s'occupent de ces enfants. Priez pour eux, priez pour les moniteurs et ayez en tête que vous aussi, vous pouvez être un moniteur. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir peur de tout, on ne veut pas être pasteur, mais on peut être moniteur. Ou bien? Oui, et je crois qu'être moniteur est plus difficile qu'être pasteur. Le pasteur s'adresse à des adultes, mais le moniteur s'adresse à des enfants et il faut les avoir à votre cause. Donc, je vous encourage de beaucoup penser à ce ministère-là. Pour le moment, Nancy a dit, bon, ils ne semblent pas nombreux, mais ils sont nombreux. Parce que on sait que ça viendra. Amen. Bien. Ce matin, je crois que dans toutes les prestations, on a beaucoup parlé de cette résurrection. Et vous voyez, lorsque nous prenons les évangiles, ceux qui réellement mettent un accent particulier sur cette résurrection, on se rend compte que les personnes qui étaient concernées par cela, c'était qui? Est-ce que c'était tout le monde? Tout le monde était concerné? Ali et Rhoda ont parlé de ce centenier qui, ils ont chanté à propos de ce centenier, qui n'était probablement pas concerné parce que lui devait être là pour surveiller, pour veiller, s'assurer que tout allait bien et que ce qu'on a dit de faire, ça a été bien exécuté. Mais voilà, cet homme a découvert des choses. Pour lui, je peux dire que c'est quelque chose d'inattendu. Mais voyez, il y avait avec le Seigneur Jésus des disciples et avec des réactions diverses. Il avait parlé de cela. Il les avait déjà informés à plusieurs reprises de ce qui allait se passer. Et lorsque c'est arrivé, est-ce qu'ils ont promptement tous cru? C'était compliqué. Et souvent, lorsque nous parlons de la souffrance, la mort sur la croix et la résurrection du Seigneur, nous regardons toujours le Seigneur, nos yeux sont sur le Seigneur tout seul. C'est vrai, c'est lui qui était au centre des choses. Mais et ses disciples-là? Parce que chacun de nous, quand on dit il faut faire comme Jésus, facilement, qu'est-ce que nous disons? Lui, il était fils de Dieu. Est-ce que c'est sûr qu'on pouvait faire comme lui? Mais lorsqu'on dit de regarder la réaction de quelqu'un comme Pierre, ou bien d'une dame comme Marie, nous pouvons facilement nous imaginer dedans. La raison est que nous revenons à cette réalité, que ces gens, ces disciples étaient des hommes et des femmes comme vous et moi, n'est-ce pas? C'est plus facile que nous acceptons cette conception-là. On est d'accord, on peut s'imaginer à leur place et voir comment eux aussi ont réagi. Luc est celui qui réellement parle de long en large de cela. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de repartir dans le dernier chapitre de Luc. Luc au chapitre 24. C'est assez long, du premier verset jusqu'au verset 48. Je coupe une partie, quelques versets qui restent. Mais j'ai pris cette décision de partager à propos de cela parce qu'en divisant ce texte en trois parties, je me suis rendu compte que il y avait les mêmes choses qui intervenaient. Et si c'était un tableau que je devais dresser, chacune des parties contient effectivement cette disons, ces divisions-là. Et nous allons aller partie après partie. Je ne pense pas que ça soit trop long. Et puis, bon, Paul a bien dit, après cela, il y aura un partage. Donc, je crois que même si nous débordons, il y aura un partage, il n'y a pas de quoi s'en faire. N'est-ce pas, Paulin? Oui. Ok. Donc, je crois qu'il n'est pas le seul à dire oui. Tout le monde est d'accord. On n'a pas besoin de courir pour aller au rue, pour avoir quelque chose ou bien. On n'a pas besoin d'aller à la maison rapidement pour préparer. C'est déjà prêt. Ready, comme les Anglais disent. C'est prêt à être mangé. Donc, je vais vous demander de partir et nous allons voir les différentes parties qu'on retrouve là. Dans chacune d'elles, j'ai vu qu'il y avait souvent une interpellation. Et quand on dit une interpellation, ça veut dire qu'on attire votre attention et c'est comme si on vous demande d'écouter, arrêter. Parce qu'il y a quelque chose d'important qu'on veut vous dire. Ensuite, après l'interpellation, il y a un enseignement sur quelque chose que celui qui vous interpelle voudrait que vous sachiez. Et enfin, la troisième partie, c'est la révélation. Parce que dans chacune d'elles, on retrouve ces aspects-là. Je voudrais que Ali, à la version français courant, n'est-ce pas? Bon, vous voyez que l'Alliance biblique promet de vendre des Bibles à des coûts promotionnels, n'est-ce pas? Donc, faites tout pour avoir français courant, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Donc, je vais demander à Ali. Ceux qui sont déjà mariés, eux, ils ont déjà disons, un exemplaire. Oui, vous l'aurez, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore mariés. Donc, n'attendez pas. Si vous avez une version, c'est fort. Il va attendre. Non, il ne va pas attendre. Il n'a qu'à aller chercher parce qu'il veut comprendre. Ok, donc je vais demander à Ali de lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Luc 24, 1 à 12. Verset 1 à 12. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été ouverte de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elle racontait était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se pressa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Merci. Du verset 1 jusqu'au verset 12. Après avoir suivi la lecture, nous voyons que ces femmes qui n'avaient pas pu faire ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire embaumer le corps à cause de l'imminence du sabbat, elles sont revenues et c'était pour aller dans la tombe dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose. Et ici, nous voyons qu'elles y vont. Ce sont des femmes dans un premier temps. Il n'y a pas d'hommes parmi elles, n'est-ce pas? Elles y vont. Et au verset 4, il est dit, comme elles ne savaient que penser de cela, elles ont déjà regardé. Elles étaient la pierre était roulée. Pendant qu'elles essayaient de réfléchir voilà que deux hommes apparaissent en habit resplendissant. Il est dit qu'elles ont eu peur. Je crois qu'elles étaient assez courageuses parce que les autres étaient enfermés. Et elles se baissèrent, le visage contre terre. Et voilà l'interpellation que leur font les anges. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Elles étaient venues pour voir le corps, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'elles avaient dans leur cœur. C'était Jésus mort qu'elles étaient venues pour voir. Mais les anges les interpellent. Et elles sont obligées de s'arrêter pour écouter. Et la suite, qu'est-ce que l'ange fait? Je crois que l'ange leur rappelle ce que Jésus avait déjà dit. Les anges n'étaient pas avec ces dames-là au moment où Jésus parlait avec elles. Et ce que Jésus avait dit, Jésus les avait enseignés. Et qu'est-ce qu'il leur avait dit? C'est exactement l'enseignement que les anges rappellent à ces dames-là. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Verset 6. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Elle résume. Il résume. Parce que Jésus a parlé longuement avec eux. Si vous voyez dans certains des évangiles, à trois reprises, il les a informés qu'il allait passer par la douleur et qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Trois reprises. Si c'est une fois, on peut dire on oublie, n'est-ce pas? Deux fois, on peut aussi dire on peut oublier. Mais trois fois, c'est beaucoup. Il leur a toujours rappelé. Et les anges leur rappellent cela. Voilà ce qui, souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Donc, je crois que lorsque vous pensez à ces gens qui vont composer un devoir et autres, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait avant de composer le devoir? Hein? D'habitude, on fait quoi? Je n'entends pas. Hein? Toi, tu dis réviser. Okay. Réviser, ça veut dire que tu as déjà vu et tu revois. Ah. Donc, est-ce que tu es sûr que les gens... Mais en fait, quelqu'un a dit le mot correct, on bosse. Voilà. Et pour certains, ils disent bois l'eau. Il faut tout faire pour que ça coule comme de l'eau. Quand on va dire... Et votre souhait, c'est quoi? Lorsque vous allez vous trouver devant votre feuille, les questions qui viendront, que ce soit quoi? Du déjà vu. C'est ça, non? De vous rappeler, vous vous souvenez de ce que vous avez déjà eu à revoir. Si vous connaissez déjà, vous avez jeté un coup d'œil rapide, comme on le dit, vous avez révisé. Et maintenant, c'est ça que vous couchez sur la feuille. Donc, si on vous dit de se souvenir, ça veut dire que c'est du déjà vu, du déjà appris, du déjà entendu. Ces femmes avaient déjà entendu ces enseignements de la bouche de leur maître. Il fallait qu'elles se rappellent de cela. Souvent, lorsqu'on vous interpelle, ce qu'on veut de vous, c'est que vous puissiez vous rappeler encore ce sur lequel on vous a enseigné. Ces dames ont écouté cela. Et à la suite, nous voyons que quelque chose se passe. Le verset 7, je continue. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, en disant cela, je crois qu'elles ont dû mettre bout à bout ce qui leur avait été dit. Souffre, soit crucifié, et puis le troisième jour, ressuscite. Et sur la base de cela, c'est comme elles venaient de recevoir la vérité, quelque chose dont elles ne se rappelaient plus. C'est ce qu'on appelle une révélation, non? Ça se révèle à vous et vous dites, ah, Je me rappelle d'un professeur de français qui dit que tant que le nègre n'a pas dit « ah ah », il n'a pas encore compris. Ok. Il levait tout ce bouquet de nous. C'était un français. Et c'est un de Néo. Il a beaucoup duré en France. Donc, chaque fois, il nous dit « tant que le nègre n'a pas dit « ah ah », il n'a pas compris. » Donc, en ce moment-là, il sent qu'il a compris. C'est-à-dire, ça revient à eux. Voilà la révélation. Et sur la base de ce qu'elles ont cru, parce que maintenant, elles ont cru à ce que l'ange a dit, les anges ont dit, alors, qu'est-ce qu'elles font? C'est parce qu'elles sont convaincues de cela que ces dames courent maintenant vers les apôtres pour leur en parler. Moi, je vous pose la question. Sur le texte que nous avons lu, quelle a été leur réaction? Ils ont dit, ah, nos sœurs, très bien. Vraiment, nous croyons, vraiment, ce que vous avez dit, c'est ça. Est-ce que ça a été leur réponse? Hein? Ça a été leur réponse? Dans notre texte, on a dit quoi? Ces gens-là ont dit, ces dames-là racontent des fables. Tout le monde sait ce que c'est qu'une fable. C'est une histoire qu'on ne peut pas vérifier, c'est ça? Elles racontent des choses qui ne sont pas vraies. Ça veut dire quoi? Qu'on doute de ce qu'elles ont dit. Et un d'entre eux est assez courageux. Lui va aller vérifier. C'est qui? Pierre. Il dit non. Ça ne peut pas être vrai. Il va pour vérifier. On a dit que Thomas est celui qui ne croit pas, qu'il est incrédule. Est-ce que vous ne voyez pas que Pierre, lui aussi, est là? Pierre a écouté, il s'est levé lui-même pour aller voir. Et puis quand il est arrivé, il a vu que quoi? Les bandelettes qui étaient là, il a regardé et puis il est reparti avec le plus grand étonnement. Est-ce que sa réponse, il avait une réponse? Pierre avait-il une réponse? S'il avait cru en ce que les dames avaient dit, celui qui avait écrit allait dire, et Pierre crut. Mais il n'est pas dit qu'il a cru. Il est reparti avec un grand étonnement. Il est rentré chez lui, encore étonné. Pourquoi? Parce qu'il allait voir, le corps n'est pas là. Les bandelettes sont là. Mais où est parti le corps? Est-ce que ça montre qu'il est ressuscité? Et c'est ce débat que dans le monde aujourd'hui, on essaie de couvrir la vérité en disant c'est faux, il n'est pas ressuscité. On a dû prendre son corps, amener quelque part. On raconte toutes sortes de théories. Voyez, l'enseignement conduit à la révélation. Ici, ce n'est pas Christ qui a parlé à ces dames-là. Ce sont les anges qui ont parlé à ces dames en les interpellant. Ensuite, en les enseignant, c'est-à-dire leur rappeler ce qui leur avait été déjà dit à plusieurs reprises, et elles ont eu la révélation, elles ont dit oui. Les dames sont reparties convaincues, parce que s'ils n'étaient pas convaincus, elles n'allaient pas oser aller dire aux apôtres que voilà, il est ressuscité. Les anges nous ont dit, et ces gens que nous avons vus avec des habits resplendissants, c'était convaincant, et ce qu'ils ont dit nous a convaincus, et nous rappelons ce que le Seigneur avait dit aussi, nous sommes d'accord et nous acceptons, nous pouvons vous dire avec assurance qu'il est ressuscité. Mais voilà le résultat, ces hommes qui géraient tout ne croyaient pas, Pierre est allé voir, mais le doute était toujours là. C'est la vérité, ce n'est pas facile d'accepter les choses lorsque on a tout autour de soi un environnement qui vous fait douter. Ils étaient cachés à cause de la peur des Juifs. Et sachez également que dès lors qu'il y a la peur ou certaines circonstances, cela vous rend insensible. Vous ne pouvez pas croire. C'est assez difficile. Et Thomas n'avait pas tort de dire qu'il faut qu'il voie les trous dans ses mains et même son côté, qu'il mette la main pour accepter que c'est lui. Continuons avec la deuxième partie. Quelqu'un d'autre a français courant? Oui, Moumouni a français courant. Ok. Donc Moumouni va lire le second passage du verset 13 à 35. Ça c'est long. Écoutez. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Ils se trouvaient à environ 2 heures de marche de Jérusalem. parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fut avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le connaître. Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs et nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont détourné et ont détourné qu'il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues pour raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, mais il le retint en disant, reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis rompit le pain et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le connurent, mais de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils s'y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons. Ils disaient, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils auront fait le pain. Merci. Vous voyez ici, on nous atteste que ce que les femmes sont venues dire, peu de gens parmi ses disciples croyaient en cela, n'est-ce pas? Et ils ont dit clairement. Voilà ce que les femmes sont allées dire, mais ça veut dire qu'il y a toujours le doute. Pourquoi ces deux hommes partaient à Emmaüs? Ils étaient tous à Jérusalem avec les autres. Vous voyez, sur la route, c'est comme ils se sentaient plus à l'aise et plus en sécurité de parler de ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils cheminaient, voilà un étranger qui se joint à eux. Dans notre texte, nous voyons qu'ils étaient, dans la version de Moumouni, il est précisé qu'ils étaient tristes. Mais dans la version du second que j'ai, la question que Jésus a posée, complète en demandant, et pourquoi êtes-vous triste dans cette tristesse-là? Cela montre que ces gens étaient influencés par l'environnement qui n'était pas du tout favorable à eux. Il y avait la peur et cela pouvait altérer tout ce qu'ils avaient, je peux dire, au niveau des organes de sens. Il est dit, dans beaucoup de versions, il est dit que ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, moi je me dis, en principe, quelqu'un ne marche pas avec vous, commencez à parler, à poser des questions sans que vous le regardez de près. Ou bien, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, bon, qui vous rejoint, la curiosité d'habitude c'est quoi? Eux deux, ils se connaissent bien, n'est-ce pas? Une des choses que vous faites d'habitude, quand quelqu'un se joint à vous, c'est quoi on demande? Lassana, tu es en train de partir, puis voilà, quelqu'un s'est joint à toi, et puis d'accord, allons-y. Tu lui poses pas des questions? D'habitude, on se présente les uns aux autres, c'est ça? C'est ça? C'est là. Ça, c'est pour que vous vous assurez que celui avec qui vous marchez, bon, lui, il dit qu'il vient de là, voilà son nom, moi aussi, voilà. D'habitude, c'est comme ça. Mais ici, il n'y a pas cette partie-là. Il s'est joint à eux et puis il a posé une question qui les intéressait parce qu'il s'est invité lui-même dans leur conversation. Et l'interpellation, il l'a faite. Plus tard, quand il dit homme sans intelligence, quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui du coup vous qualifie d'homme sans intelligence, vous faites quoi? Vous vous arrêtez. Vous me dites, d'accord, quand tu appelles et qu'on te dise homme sans intelligence comme ça facilement? Non. Ça, vous vous arrêtez pour chercher à comprendre ce qui se passe. Voilà quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous écoute. Vous avez dit beaucoup de choses et vous lui dites même qu'il est. Est-il celui, le seul homme qui, de Jérusalem, ne connaît pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Il les a interpellés avant de commencer à parler avec eux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que lui, il les connaît. Ce sont ses disciples, n'est-ce pas? Il leur rappelle encore. Vous voyez, une interpellation pour que ces gars s'arrêtent. Et il revient à eux comme les anges sont allés vers ces femmes pour leur dire ce qui devait venir. C'est quoi il leur a dit? Ne fallait-il pas, où les anges avaient terminé, c'est la même chose. Ne fallait-il pas qu'ils viennent, qu'ils souffrent, qu'ils meurent? Et on a dit qu'il a commencé à leur parler de tout ce que les prophètes ont dit. Vous pensez que ça faisait combien de minutes? C'est 2 minutes seulement? C'est 2 minutes? Non. Il sait que ses disciples connaissent le contenu de ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Donc, il leur a dit tout ça. Et le moment de se séparer arrive. Vous voyez, ces gens, ces deux, n'étaient pas prêts à le laisser partir. Même s'ils ne le connaissaient pas, cet étranger leur a dit des paroles qui les ont encouragés. N'est-ce pas? Plus tard, ils disent quoi? Pendant qu'ils parlaient, le feu ne brûlait-il pas dans notre cœur? Cette parole donc, qu'il a utilisée pour les enseigner leur a fait du bien, eux qui étaient tristes. Voilà un étranger qui leur dit des paroles d'encouragement et ils n'étaient pas prêts à perdre cette compagnie-là. C'est pourquoi ils l'ont invité à rester avec eux. On n'invite pas n'importe qui à rester avec nous et puis manger. Ou bien, est-ce que ça va nous suffire? Mais ils les ont invités à rester avec eux. Et voilà d'où vient la révélation. Au moment de manger le pain, au moment de manger, il est dit qu'il a pris le pain et puis il l'a rendu. Et c'est en ce moment que quoi? Voilà. Voilà la révélation. Elle a suivi l'enseignement qu'il leur a donné. Et voilà que Jésus se révèle à eux. Est-ce qu'il est resté avec eux? Non. Il est parti. Mais regardez ces gens. Je vous ai dit que quelqu'un vous suit, vous cheminez ensemble. Il ne faisait pas encore nuit. C'est quand il s'apprêtait à partir qu'ils ont dit que le jour baisse. Mais avant cela, il marchait avec lui. C'est plus facile de regarder quelqu'un et de se rendre compte qu'il a des mains percées ou quelque chose. Ce n'était pas caché. Mais ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils avaient plein d'autres choses. Ils avaient des soucis. Et voilà comment ces soucis peuvent couvrir et voiler vos yeux, voiler votre intelligence, voiler ce qui devait servir de force en vous. Tout était voilé. Il ne pouvait pas comprendre. Et c'est dans un tel découragement qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. Mes frères et mes sœurs, regardez les circonstances autour de nous qui peuvent voiler tout. Notre entendement même peut être voilé. Et ils avaient des yeux. Il était avec eux. Mais ils n'ont rien pu comprendre. C'est au moment où il a rendu grâce. Ça veut dire que les paroles qu'il disait, la manière dont il faisait immédiatement, ça leur a rappelé, ah c'est lui. Et voilà, il a disparu. La révélation était encore là. Il s'est révélé à eux. Je voudrais que quelqu'un lise la dernière partie. Jusqu'au verset, du verset 36 jusqu'au verset 49. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. Il fut saisi de crainte et même de terreur, car il croyait voir un fantôme. Mais Jésus leur dit : pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda : avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui donnèrent un morceau de poisson bouilli. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit : quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Alors il leur ouvrit l'intelligence qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit : voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le troisième jour, et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Merci. Lorsque Cléopâtre et l'autre sont arrivés, ils leur ont expliqué, ils les ont trouvés en train de témoigner de quelqu'un qui avait vu le Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont dit : Simon l'a vu. Et eux sont venus encore faire quoi ? Ajouter leur histoire. Ce qui s'était passé, le trajet qu'ils avaient fait avec lui, tout ce qu'il avait dit, jusqu'à ce qu'il se retrouve au moment où il devait présenter, où il devait manger, et quand il a pris le pain pour bénir, est-ce qu'ils avaient encore besoin de douter ? Je pose la question. Ils avaient encore besoin de douter ? Ça veut dire, les femmes ont parlé. Jésus s'est révélé à Simon. On était en train de parler de cela. Voilà Cléopâtre et l'autre sont venus ajouter. Mais regardez la suite. Qu'est-ce qu'on voit? Lorsque Christ apparaît en leur sein, ils ont eu quoi? Peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que c'était quoi? Un fantôme. C'est assez difficile à comprendre quand même. Ils avaient toutes les preuves. Jusqu'à trois. Mais voilà, il apparaît, ils ont peur. Et vous voyez, qu'est-ce que Christ fait pour les rassurer? Il leur dit : paix, que la paix soit avec vous. Et vous voyez les étapes qu'il utilise pour les rassurer. Il leur montre ses mains trouées et ses pieds. C'est ça ? Est-ce que c'était suffisant ? C'était suffisant ? Si c'était suffisant, il n'allait pas leur dire donner quelque chose à manger. Si les gens ont regardé, ils voyaient en eux toujours le doute. Ils leur disent, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? On dit oui. On lui a amené. Il a mangé. Mais regardez, il les a interpellés. Lorsqu'il leur a dit, verset 38, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Si vous êtes effectivement dans la peur et quelqu'un vous dit, pourquoi tu as peur? Bon, souvent on cache. Les gens ne cachent pas leur peur. Est-ce qu'ils aiment qu'on voit tout de suite qu'il a eu peur? Non. Mais celui qui te pose la question, tu te rends compte qu'il a découvert. Donc, il leur pose la question pour leur montrer que lui, il sait qu'ils ont eu peur. Pourquoi cela? Maintenant, ils sont prêts à écouter. Et il les enseigne encore. Il revient et il est dit qu'il a dit toutes les prophéties, tout ce qu'il avait été dit à son sujet par les prophètes et même dans les psaumes. Et il poursuit pour leur dire, voilà, je peux dire d'une certaine façon, ce qui allait être révolutionnaire qui allait arriver. Et ça, c'est ce que vous et moi, nous tous, nous connaissons. Que désormais, à cause de ce que lui a fait, accepter mourir sur la croix. Et puis, être enterré et être ressuscité. Maintenant, tout le monde a accès au pardon devant Dieu, ça c'est un, et tout le monde a accès au salut. Il n'y a pas de différence. Et jusque-là, c'est comme jusqu'à présent, il ne comprenait pas très bien. Il est dit que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que leur intelligence soit ouverte. Voilà la révélation. Il est avec eux, présent. Mais est-ce qu'il croit toujours, il croit vraiment en ce qu'il a dit? S'il croyait, pendant tout le ministère qu'il a eu avec eux, il n'allait pas revenir plusieurs fois pour leur dire des choses. Des mois sont arrivés où ils ont même posé des questions. Pourquoi ils disaient les choses en parabole? Ce sont eux qui ont posé ces questions-là à Jésus. Il a ouvert leur intelligence. Voilà la révélation est venue. Et en ce moment, il leur dit, voilà ce que vous allez faire. À mon nom, à cause de ce que j'ai passé par là, les gens auront le pardon de leurs péchés. Et maintenant, voilà ce que vous devez aller annoncer. Vous serez ces témoins-là. Ici, il leur dit d'aller attendre jusqu'à ce qu'il fasse venir la puissance que son père a promise d'envoyer. Il arrive dans notre vie, vous et moi, que nous soyons nécessairement obligés de nous arrêter parce que interpellés. Regardez autour de vous aujourd'hui. Il y a combien de vérités? Moi, je vous pose la question. Tout ce qui apparaît, on dit que c'est la vérité. Ou bien, il y a tellement de vérités autour de nous aujourd'hui. Des choses, des plus simples aux plus compliquées, vous posez des questions. Dans la semaine, je crois que chacun de vous a dû suivre les informations à propos de cette église en France qui a brûlé. N'est-ce pas? En l'espace de combien de jours? En l'espace de 3 jours, il y avait déjà 700 millions d'euros mobilisés que des gens ont dit, voilà, pour qu'on reconstruise. N'est-ce pas? Ça, c'est la maison. C'est quelque chose, même si on reconstruit. Est-ce que ça va rester? Je vous pose la question, ça va rester indéfiniment? Non. Et au même moment, au Congo démocratique, il y a eu une embarcation qui a chaviré. Et il y a eu au moins 150 personnes qui ont perdu la vie. Et puis, l'événement de l'autre côté a été tellement médiatisé qu'un du Congo démocratique a dit, ben, ça c'est deux fois deux mesures. Une maison par rapport à des vies, il y a un problème. Mais vous voyez, C'est une histoire d'intérêt, votre centre d'intérêt. Où se trouve votre centre d'intérêt? C'est là-bas que vous regardez, non? N'est-ce pas? Je vous pose la question, c'est pas ça? Ceux qui n'aiment pas le football, même si vous lui dites que vous allez payer son billet, allez l'amener au stade, il n'ira pas. Mais si vous invitez Dramane, il ira. Où est Dramane? Dramane aime ça. Oui, il est prêt à aller. C'est son centre d'intérêt. Il va trouver un temps pour y aller. Mais allez voir quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout par ça. Vous allez tout dire. Vous allez l'inviter. Viens avec moi. Je vais même t'assurer une boisson. Il ne part pas. Ça, tu aimes le foot aussi? Ah, vous voyez, son voisin n'est pas prêt à aller. Donc, c'est une histoire de centre d'intérêt. Des gens ont regardé à cette maison. Ça, c'est important. Hein? Ça montre vraiment qui nous sommes. Mais c'est vite, ils sont de l'autre côté. Mais vous, de vous à moi, nous nous regardons que la vie humaine est plus importante que ceci, n'est-ce pas? Mais vous, vous êtes Congolais, si vous aussi vous avez les moyens, faites pour que vous sauvez ces gens-là, plutôt que vous, nous, nous faisons ce qui nous intéresse. Voilà. Et le monde est plein de cela. Aujourd'hui, on ne regarde plus aux vies. Écoutez, regardez les informations qui se font autour de nous. Le Mali, leur gouvernement est tombé, non? Le gouvernement malien est tombé. Pourquoi? Les gens sont sortis, ils ont dit, on ne peut pas continuer à tuer les gens comme ça. Vous, vous dites que vous gérez le pays et on continue à tuer les gens. Non, on n'est pas d'accord. Ils ont fait du bruit, ils ont fait du bruit. On ne les a pas écoutés. Et à la fin, les députés étaient obligés de les écouter. Ils ont dit, on va faire passer une motion de censure. Le premier ministre a trouvé que ça allait être la honte. Il avait quoi? Il a démissionné avant ça. Ce sont des vies dans notre pays là. Ça existe aussi, non? On a dit Yirgu, on a tué combien? On dit là-bas. Mais les gens, si ce n'est pas leur centre d'intérêt, est-ce que ça leur fait froid? Non. Ça ne leur fait pas chaud. Mais ce sont des vies, mes frères et mes soeurs. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas regarder à cela, même si les circonstances autour de nous semble assez forte, font de la pression, il ne faudrait pas que nous nous arrêtions. J'étais avec un collègue hier qui travaille beaucoup dans l'évangélisation. Et il m'a dit, j'ai fait le Burkina d'est en ouest, du nord au sud. Et nous sommes allés dans le sud-ouest, jusqu'à Bouna. Il y a des centaines de villages sans églises. Ça décourage. Quand je viens à Ouaga et puis je vois que des gens se battent dans les quartiers parce que on est venu placer une église ici et puis à côté un autre de la même dénomination vient commencer et que les gars se battent pendant que de l'autre côté il n'y a rien. Ça me fait mal. J'ai dit mon frère, ça nous fait tous mal. Mais aujourd'hui, quand on dit d'aller vers les non atteints, Quelle est la question qu'on pose? Qui en y voit une question qu'on pose? Aller vers les non-natins et puis évangéliser pour qu'ils viennent à Christ. On dit quoi? Moi, je pense que l'excuse qu'on trouve, c'est le manque de moyens. Ok, lui, il parle en financier. Le manque de moyens, c'est pas de moyens. Mais moi, je vous pose la question. Vous croyez que Dieu va faire descendre un philanthrope? Et puis, quand chaque fois il y a quelque chose, il dit tenez. Non. Le philanthrope là, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Les moyens, c'est nous qui devons mettre ces moyens là. Mais quand nous voulons quelque chose nous-mêmes, on fait quoi? Quand les gens veulent leur master là, ils sont capables de faire 10 marches là-bas. C'est pas vrai? Ils font 10 marches là-bas. S'ils veulent, ils mettent tous les paquets. C'est pas vrai? Mais si on peut mettre tous les paquets, quand c'est quelque chose qui est un diplôme, un papier, qui te sert aujourd'hui, demain, c'est fini. On ne voit même pas ça. Quand vous regardez ce qu'on vous demande, quel diplôme tu as? C'est comme ça à l'église, là, quand vous rentrez, on vous demande ça. Le pasteur a déjà posé cette question-là à quelqu'un? Non. Moi, je vous regarde, tout le monde est... Nous sommes égaux. Tu as un gros diplôme, tu as un petit diplôme, tu es un chrétien. Ou bien fidèle. Moi, je ne regarde pas que fidèle est un professeur d'anglais. Non. Fidèle est un chrétien comme les autres. Et s'il y a quelque chose à faire, moi je ne regarde pas à Fidèle pour dire, comme lui le professeur là, il faut prendre un plus petit, il va faire ça. Je dis, Fidèle, mets la main. Et s'il vient me trouver, comment j'ai supporté, on va aller ensemble. Oui, c'est vous et moi qui devons faire ce travail-là. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Voilà les vrais problèmes. Certains ont trouvé les solutions. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes s'engager, ils font quoi? Ils dégagent leurs moyens et puis ils donnent pour que ceux qui peuvent dégager du temps pour aller partent. Combien de fois vous avez déjà donné à ces gens qui s'engagent dans ces zones vers les non-atteints? Combien de fois? Je pose la question, combien de fois? Il y en a? Deux fois, on ne voit même pas. On dit, on n'est pas informé. Mais si vous voulez, vous allez être informé. Mais si vous ne voulez pas, vous ne serez pas informé. Mes frères et mes sœurs, ce que Christ a donné comme mission à ceux-ci-là, c'est nous à qui cette mission a été donnée. Il faudrait que nous dépassions tout ce qui peut chercher à couvrir ou même à voiler notre entendement, à voiler nos yeux et à voiler nos forces pour que nous ne faisions pas ce travail-là. Christ a fait sa part. Il a donné la puissance qu'il a. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est à nous de nous mettre au sérieux. Ne disons pas, c'est tellement grand, et si moi je commence? Mais je vous pose la question. Quand on parle d'un million, on va commencer à compter à combien de francs? Hein? Un franc. Avant de monter en allant. Donc la plupart du temps, nous nous disons, c'est tellement gros, même si je fais, c'est comme une goutte d'eau, ça ne va pas servir. Non. Mettez votre goutte d'eau. Un autre main. Individuellement, si chacun met, ça va être beaucoup. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il faut que nous fassions. Et nous ne devons pas dire, ce sont des gens, eux ils sont spécialistes et ils doivent aller faire ça. Oui, ils peuvent avoir reçu une formation. Mais est-ce que Dieu travaille avec seulement ceux qui ont la formation? Lisez la Bible là. Ils sont combien qui ont eu des doctorats et autres dans des écoles théologiques? Il y en a beaucoup? Non! Dieu a même choisi certains, il les a pris comme ça. Et puis, parce qu'ils ont accepté, obéi, il les a utilisés. Ils ont accepté, obéi, ils sont partis. Fouillez, allez voir dans l'histoire de l'église au niveau du Burkina. Fouillez ces vieux pasteurs, si vous regardez. Peu sont ceux qui ont de gros diplômes. Mais parce qu'ils ont accepté. Et ils ont accepté de faire le travail. Aujourd'hui, nous voulons parler en termes de diplôme. Je ne pense pas que Dieu parle en termes de diplôme. Dieu parle en termes d'obéissance. Je suis prêt. Et il va vous équiper. Son esprit va vous diriger. Il va vous soutenir. Je voudrais que, en fêtant cette Pâque-là, que nous puissions nous rappeler cela. Que chacun s'arrête pour retourner à l'enseignement premier, la parole de Dieu. Elle est importante. Les deux disciples ont dit, pendant qu'ils nous parlaient, notre cœur brûlait en nous. Si vous lisez la parole de Dieu et que votre cœur ne brûle pas en vous, il y a problème. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose de voilé en vous. La parole enseigne. Elle dit qu'elle corrige. Il est dit qu'elle fortifie. C'est une épée à double tranchant, non? C'est pas ce qui est dit dans Hébreu? Si la parole a tout cela, si vous la prenez et que rien ne se fait, il y a un problème. Vous voulez la lire comme un roman, ça ne marche pas. Il faut prendre du temps devant Dieu. S'arrêter et puis aller vers. Parler à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Parce que si on dit qu'est-ce que je peux faire, nous parlons en termes pouvoir. Pourtant, chacun peut faire quelque chose. Christ a dit, si vous donnez un verre d'eau à un de ces petits, c'est quoi? Il a dit, c'est à qui on a donné? Hein? C'est à moi. Un verre d'eau. Vous dites quand même, ça c'est petit. Et puis ça c'est quoi? Qui dans notre lot là ne peut pas donner un verre d'eau à quelqu'un? Des capes vont aller payer des sachets et puis venir vous donner? Ou bien? C'est pas plus qu'un verre d'eau? Docteur, c'est pas vrai? On peut donner un verre d'eau. Tout le monde peut faire ça. Si vous rendez visite à un de ces malades-là, il a dit que c'est qui? C'est à moi. Vous avez rendu malade. Et vous avez rendu visite. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut faire quelque chose. Veuillez vous tenir devant ma prière. Nous pouvons tous faire quelque chose. Et nous devons faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ces disciples-là, malgré les doutes et autres, quand ils ont compris, ils se sont engagés. Et aujourd'hui, nous voici. Mais nous aussi, nous devons nous engager. Il faut que nous nous engageons. Que chacun prie pour lui-même, en demandant à Dieu de nous donner réellement cette révélation-là, qu'on s'engage avec la force que nous avons. Que chacun prie pour lui-même. Prions. Oui, Père. Je te dis encore merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Et merci pour tout ce que tu as en train de faire. Pour le Seigneur. Je te supplie. Je t'invoque, Seigneur, que tu interviennes pour lui. Donne-moi d'être prêt à donner. D'être prêt, Seigneur. Oui. À me donner au Seigneur, sans crainte. Parce que c'est toi qui le dis. Nous devons être capables de le faire. Et je voudrais être capable de le faire. Le Seigneur, rien ne puisse nous empêcher de. En regardant au moyen, c'est pas toi, tu ne regardes pas au moyen, Seigneur. Tu as dit que même un verbe que nous pouvons donner. Père, je te supplie pour cela. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout cela. Louange et gloire. Honneur à ta sœur. En puissance de ta personne. Jésus. Amen. Je vais demander à Bruce de dire merci à Dieu. Parce que Dieu nous a entendus et je suis confiant qu'il va nous aider. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous avons vu l'espoir, Seigneur, ce matin, de ta résurrection. Seigneur, le fait que notre Seigneur, notre Sauveur a été est revenu de la mort, Seigneur. En regardant ça, Seigneur, nous voyons que notre Dieu est vraiment puissant, que notre Dieu peut vraiment intervenir sur la terre. Et c'est pourquoi nous venons devant toi avec toute confiance, Seigneur. Que tout ce que nous te demandons, que tu le verras, Seigneur, comme possibilité. Seigneur, nous avons cette confiance. Tu as été fidèle, Seigneur, parmi les premiers disciples. Et tu seras, Seigneur, aussi fidèle parmi nous. Oui, nous te remercions pour cette fidélité. Nous voulons, nous aussi, Seigneur, être fidèles envers toi. Parce que tu nous as montré, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur, envers nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de laisser la place à Johanna, je voudrais que nous pensions à la zone d'Anérigué. La fin de cette semaine, à partir du jeudi, les pasteurs doivent se retrouver à Ndorola pour une retraite. Et en même temps, il y a la dédicace d'une église. Vous voyez, la parole est prêchée dans cette zone et il y a beaucoup de gens qui se donnent. Mais où sont les ouvriers? C'est la question que je pose. Il n'y en a pas suffisamment. C'est vrai, ils ont quelques jeunes qui sont à Odra en train de se former, mais ce n'est pas suffisant. Ou bien Daniel, c'est chez toi, non? Oui. Et le seul pasteur qui est là-bas, qui travaille beaucoup, le pasteur Marou, il est obligé de faire de grandes distances, de faire beaucoup de cultes le dimanche. Pensez un peu à cela. Bon, nous qui sommes à Ouaga, on va dire que c'est très loin, n'est-ce pas? C'est pas loin? C'est loin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut dire parce que c'est loin, on ne peut rien faire? On ne peut pas? Si on ne peut pas aller, pensez un peu à ceux, parce que dans le lot là-bas, il y a peut-être des gens qui veulent bien aller à l'école publique pour venir aider. Mais il faut des moyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider? Nous pouvons faire quelque chose à l'école publique. Nous pouvons faire ça, n'est-ce pas? C'est pas possible. Individuellement, on peut dire, bon voilà, moi je soutiens un tel. J'ai beaucoup d'élèves que j'ai enseignés à Orodara Kalanso. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont des missionnaires. Mais est-ce que vous savez que tout le temps, on m'envoie des lettres? Et dans ces lettres, vous avez plusieurs manières de soutenir. Vous pouvez les soutenir avec de l'argent. Vous pouvez les soutenir par la prière. Il y a plein de manières où on peut soutenir ces gens-là. Et c'est de cette façon que les gars font leur mission. Ou bien, nous, dans notre tête, on se dit, bon, il y a une église bien riche là qui les envoie. Non. Il y en a qui vont sans aucune église derrière eux. Ils ont l'assurance que Dieu va soutenir et ils demandent aux gens de les soutenir. Et c'est avec ce soutien qu'ils font leur mission. Il faut que nous changeons. Vous, vous êtes des intellectuels. Vous avez la possibilité de lire l'histoire de la mission. Lisez. Informez-vous pour savoir comment cela peut se faire. Et surtout, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile d'envoyer de l'argent à quelqu'un que par le passé, non? Ou bien, par le passé, on dit un mandat, il faut que ça fasse ça, il faut ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? C'est pas plus simple? Hein? Aujourd'hui, en 15 minutes, le monsieur reçoit ce que vous avez donné. C'est faisable. Voilà, donc, ça, vous voyez, les temps deviennent, rendent les choses plus faciles, mais en même temps difficiles. Mais la partie facile, il faut l'exploiter. Donc, voilà des possibilités pour aider ces gens-là. Je dis merci à notre Dieu et surtout à notre communauté. On demandait 5 000 pour le soutien. Notre communauté a décidé de donner 50 000 pour le soutien à l'école biblique. Bon, c'est bien, mais est-ce que c'est arrivé? Je pose la question, c'est arrivé? En regardant aux besoins, moi, ceux qui sont là, ce n'est pas arrivé. Et surtout dans cette zone des Nanergué, je voudrais que nous pensions à cela. Dieu peut envoyer quelqu'un là-bas dans son travail. Et vous allez voir de vos yeux, vous allez soutenir. Si vous n'êtes pas là-bas, ce que vous pouvez faire, faites-le. Vous pouvez prier pour ces gens. Vous pouvez soutenir ces gens en envoyant des lettres ou en appelant et en encourageant. Donc, je voudrais que nous nous sentons responsables de la marche de ce travail-là. L'Église, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Dans cette communauté, pour qu'on puisse marcher, c'est ce que chacun donne. Vous avez déjà vu le pasteur dire, toi tu donnes tant. René, toi tu donnes tant. Et ton voisin derrière qui est professeur là, donne tant. Vous avez déjà entendu ça? Non. Mais c'est de façon volontaire que chacun se dit, voilà ce que je peux faire pour aider la marche commune. Et c'est ce qui fait que la marche continue. Je voudrais nous encourager à réfléchir à cela. La banque de l'église, c'est l'église. Ou bien, la Snauter, c'est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, je voudrais vous encourager à chaque fois vous rappeler de cela. C'est notre devoir. Quelqu'un ne viendra pas de dehors pour faire ça pour nous. Ça ne marche pas. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Moi, j'ai le courage de le dire parce que personne ne peut dire, mais pasteur, toi, tu ne fais pas. J'étais à Tougueur et un pasteur a prêché sur les dîmes. Il a dit, nos bouches sont petites. On ne peut pas parler de dîmes quand nous-mêmes, on n'est pas prêt à donner. C'est la vérité. À la fin de la récolte, les brebis viennent avec la dîme, ils déposent leur mille, ils font tout ça. Le pasteur dit, mais c'est moi le pasteur. Donc, c'est moi, on doit s'occuper de moi. Donc, lui ne pense pas que lui aussi doit enlever la dîme. Est-ce que lui ne doit pas enlever? Il ne doit pas? Comment? Il doit enlever, il doit être le premier même. Et qu'on sache qu'il est fidèle. Si lui est fidèle, il peut dire aux autres, vous n'êtes pas fidèle, il faut le faire. Mais s'il ne peut pas ouvrir sa bouche parce que lui ne fait pas, il ne pourra pas. Et lorsque vous ne pouvez pas dire aux gens de montrer leur libéralité, en fait, au lieu d'être bénis, ils ont quoi? Ils ne reçoivent que des malédictions. Dieu permet que le diable touche aux sources de revenus. Ils souffrent. Ils ont des poussins qui meurent. Des animaux qui mettent bas, qui meurent. Ils ne comprennent pas. Mais Dieu laisse la porte ouverte. C'est comme un sac percé. Ça ne sera jamais rempli. Mes frères et mes soeurs, c'est difficile. Vous pensez que c'est difficile d'être pasteur? C'est vrai. Mais être une brebis aussi, il faut jouer son rôle. Amen. Amen. Amen. Jouez votre rôle. Avant le temps que vous soyez pasteur, jouez votre rôle. Que le Seigneur vous bénisse. Rona, tu dis quoi? Tu veux que je te raconte une histoire? Ta maman s'est mariée à un professeur, pas à un pasteur. Il est devenu pasteur. Ok. Ça peut arriver. Donc, il ne faut pas discuter. Ce n'est pas une vérité. Ma femme est là pour dire ça. C'est une vérité. Tout le monde peut être pasteur. Paul n'a pas dit qu'il ne veut pas être pasteur. On m'a jamais dit ça. Et Rhoda, qu'est-ce qu'elle a dit?